À vous poser une question en espagnol, mais mon espagnol est vrai. retenir de la victoire d'Obama, c'est une victoire de la diversité. Comme il l'a dit lui-même très bien dans son discours le soir des élections, c'est une victoire des femmes, hommes, noirs, latinos, blancs, asiatiques, autochtones, homosexuels, handicapés, etc. À retenir aussi le recul du Tea Party et de l'extrême droite. Il semble clair que le radicalisme de droite n'est plus très rentable électoralement, que les idées qu'il propose ne touchent pas l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce qu'il faut espérer de ce deuxième mandat d'Obama? Rêvons en couleur. On réduit drastiquement les dépenses militaires. On adopte une réglementation sévère des marchés financiers et on soutient la taxe sur les transactions financières. On finance généreusement l'éducation publique et on corrige les erreurs du système de santé. On taxe les riches comme dans les années 60 et 70. On s'attaque aux paradis fiscaux, comme Obama l'avait promis d'ailleurs dans sa première campagne électorale. On rejette le projet de l'oléoduc de Keystone et on se tourne vers les projets écologiques et vers l'énergie renouvelable. Hélas, sous le règne d'Obama, on ne fera probablement rien de tout ça. Obama n'en a rien promis et les républicains majoritaires au Congrès vont tout faire pour bloquer des réformes qui ressembleraient de loin à celles-ci. Ce sera sans aucun doute un gouvernement ordinaire, comme dans le premier mandat. Un gouvernement au service de la finance, de ceux qui ont investi des fortunes dans la campagne électorale. Ce sera un président bien ordinaire. Et un président ordinaire, on voit ce que ça donne en France avec François Hollande, c'est un président de tous les compromis. Mais on aura au fond de nous une petite consolation, on aurait pu trouver bien pire encore. Vous avez compris, chers auditeurs, que c'était l'éditorial de Claude Vaillancourt. Nous avons été nombreuses et nombreux à assister à l'élection mardi soir dernier. Et plusieurs d'entre nous étaient satisfaits que ce soit Barack Obama qui soit élu. Mais comme le souligne Claude Vaillancourt, ça ne veut pas dire parce que M. Obama a été réélu président qu'il va nécessairement réussir à transformer, à améliorer les choses. Le système politique américain, étant ce qu'il est, c'est un système de compromis et c'est de plus en plus qu'on voit à travers le monde, là, des espèces de systèmes de compromis qui font que finalement, parfois la balance penche davantage du côté des possédants que du côté du reste de la population. On écoute une chanson, on écoute l'étiquette jusqu'à la pause et après, ça sera Nicole Moreau et son invité, M. Bonneville. C'est du bidon, du romantique, de l'extra-court, du fantastique, de l'engagé, du récupéré. C'est du génie, du génie, du génie. C'est du facile, c'est du pas loin. C'est du subtil, du je comprends rien. C'est du siloche, c'est du salaud. C'est du playback, c'est du pas beau. Dans un monde où tout s'achète, heureusement qu'à l'étiquette. C'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les vignettes. Y'a des promos pour les crédits, y'a des crédits pour les promos. Y'a des promos pour les promos, y'a tout marqué sur l'étiquette. Du sous-ferré, du sous-clonel, moi le bénitier. C'est une vedette, un vieux crado. C'est du porno chic, c'est du porno. C'est du génie, ça mange pas de pain. Moi ce que j'en dis, c'est pour son bien. C'est une ordure, à moins que rien. C'est tout public, c'est très bien. Dans un monde où tout s'achète, heureusement qu'à l'étiquette. C'est pratique, les codes barres, les soldes, les cartes et les vignettes. Y'a des promos pour les crédits, y'a des crédits pour les promos. Y'a des promos pour les promos, y'a tout marqué sur les tickets. Bravo, vous avez gagné un cadeau offert par votre centre commercial. Concept politique et pratique afin de fidéliser votre client. Récompensez celle-ci avec de nombreux cadeaux. CKRL 89.1, Québec. Thank you. à fait. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées des 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Chez Couvre-Plancher McGee et Fils, vous faites affaire avec de vrais professionnels du couvre-plancher. De père en fils, l'entreprise familiale vous offre à la fois de conseils judicieux, une estimation gratuite ainsi qu'un excellent service après-vente. Couvre-Plancher McGee et Fils propose un grand choix de céramique, tapis, prélard, plancher flottant et plancher de bois franc. Également spécialisé dans l'évaluation de couvre-plancher quand vous subissez un sinistre. Couvre-Plancher McGee et Fils 3670 Boulevard Amel, 418-683-2383, couvre-plancher-mcgee-fils.com. Dans le Montréal des années 50, un jeune garçon reçoit son premier livre pour Noël, entouré de sa famille. Les personnages qui ont inspiré sa vie, Michel Tremblay nous fait découvrir la naissance de sa passion pour la littérature. Un ange cornu avec des ailes de tôle, le jeudi 15 novembre à 19h30 au Studio P. Mise en lecture d'extraits de cette œuvre marquante de Michel Tremblay par le Théâtre de la Rose des Vents. Information, lestudiop.com. Le Studio P, art et littérature en scène. Du 3 au 11 novembre, le Musée de la Civilisation conjugue le verbe « aimer » à tous les temps. Pendant 9 jours et une nuit, venez participer à cette série de rendez-vous captivants et de rencontres inusitées en danse, en musique, en poésie et en art visuel pour vous émouvoir et vous faire réfléchir sur ce grand thème universel, l'amour. Joignez-vous au parcours thématique sur l'amour à travers les expositions en cours, les tables rondes, ainsi qu'une visite signée Jean Provencher. Pour tous les détails, visitez le mcq.org/aimer. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. AVJAM, ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. AVJAM offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AVJAM, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. Possibilité de mise de côté. AVJAM, ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. AVJAM offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AVJAM, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875, avjam.com. Possibilité de mise de côté. Nous sommes de retour. Vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Nicole Moreau, bonjour. Bonjour, Michel. Nicole Moreau, vous êtes en compagnie de M. Bonneville que je vous laisse présenter et je vous laisse faire l'entrevue. C'est une chronique toute spécial cette semaine, donc je vous laisse entre les mains avec M. Bonneville. Bonjour Pierre-Luc, vous êtes directeur général de la coopérative régionale de la coopérative de développement régional Québec-Appalaches et vous avez participé au sommet sur les coopératives qui a eu lieu au début d'octobre à Québec. Oui, exactement, je suis très heureux d'être avec vous ce midi pour en parler. Alors, comme la coopérative de développement régional n'est pas une instance très connue, je pense que ça serait intéressant de préciser, par exemple, c'est quoi votre mission, la mission de l'organisme CDR Québec-Appalaches. La CDR Québec-Appalaches est d'abord et avant tout une coopérative. On est une coopérative de coopératives qui est née en 1984 dans l'objectif de regrouper et de représenter les différentes, autant les coopératives, les mutuelles du territoire, territoire. Il y a une dynamique aussi de volonté de créer ce qu'on appelle un climat favorable à l'émergence des nouvelles coopératives sur le territoire. Notre territoire, il est double. Autant on couvre tout ce qui est la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Cette mission-là va s'exercer dans trois grands principaux mandats là, qui sont des mandats qu'on a reçus de l'entente de partenariat du développement coopératif qui a été signée entre le gouvernement du Québec et le mouvement coopératif. Là. Donc, un mandat qui est triple. Premier volet du mandat, c'est faire la promotion et la concertation des coopératives, nos activités de sensibilisation au modèle coopératif. Le deuxième, de soutien au démarrage, donc accompagner des gens qui veulent démarrer leur propre entreprise coopérative et après ça, un support spécialisé là, aux coopératives qui en font la demande. Bon, alors, c'est un mandat très large. Hein? Qui sont vos partenaires au conseil? Pardon, au conseil d'administration de la CDR. Mmh. Comme dans toute coopérative, les représentants du conseil d'administration vont être les représentants des membres. Donc, nous, parmi les membres de notre coopérative, c'est les coopératives du territoire. Donc, dans notre conseil d'administration, on a 13 administrateurs et aussi on a un siège qui est dédié, un 14e siège qui est dédié à une jeune administratrice. Et ces 13 personnes-là émanent de coopératives. Donc, c'est tous des coopérateurs, des coopératrices qui veulent travailler conjointement à développer la formule coopérative. Nous, dans notre particularité de gouvernance, on a divisé les 13 sièges en deux grands volets. On a 8 représentants qui sont ce qu'on appelle les représentants territoriaux. Donc, la région est divisée en 8 sous-régions, là, donc la Ville de Québec, la MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, Côte-de-Beaupré, par exemple. Donc, on a 8 territoires et on a des gens qui viennent de ces territoires-là. Et aussi, on a des représentants par type de coopérative. Donc, on a 5 gens qui proviennent des types de coopératives. On parle des coop de consommateurs, les coop de producteurs, les coop des services financiers. Donc, on a cette double représentation-là. Donc, vous voyez que la coopérative, c'est vraiment l'outil du mouvement coopératif pour soutenir et favoriser le développement de la formule coopérative sur le territoire. Oui. J'ai remarqué que vous aviez une jeune personne sur votre conseil d'administration. Vous voulez aussi favoriser la relève? Oui, ben on a la chance d'en avoir plus qu'une, mais on a un siège qui est spécifiquement dédié à une jeune administratrice, une personne qui a moins de 35 ans. D'ailleurs, c'est Jessica Provencher de la coopérative La Barberie là, qui siège sur notre conseil d'administration avec ce siège-là. Le mouvement coopératif, c'est un mouvement qui est là depuis au Québec, là, on parle de Desjardins en 1900, mais on a aussi les mutuelles, donc Promutuel qui fête cette année les 160 ans d'activité du groupe Promutuel. Donc, c'est un mouvement qui a réussi à passer à travers le temps parce qu'il a réussi à intégrer à l'intérieur de ses conseils d'administration à l'intérieur de ces structures, une jeunesse qui vient réussir à influencer les façons de faire et ensuite prendre la relève dans la suite des choses. Fait que c'est une valeur qui est très importante pour nous, être capable de transférer, de transmettre le flambeau dans la formule coopérative via ces entreprises-là qui appartiennent aux membres. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réalisations de la CDR qui ont eu un impact intéressant sur le territoire et la dynamique de développement des communautés? Ben oui, si on en a bon an mal an, la CDR, on accompagne une quinzaine d'entreprises coopératives dans leur démarrage. Là. Donc, c'est vraiment dans ce volet-là qu'on sent qu'il y a vraiment un impact en termes de développement des communautés. Deux petits exemples pour vous. Là. Le premier, Quoi Pro Libre à l'Université Laval, une coopérative qui œuvre dans le cyclisme utilitaire. Donc, on parle des étudiants de l'Université Laval qui voulaient d'abord et avant tout se mettre ensemble pour... une question très simple de je pars le matin, je m'en vais à l'université, j'ai une crevaison en route et là j'ai un vélo avec une crevaison, qu'est-ce que je fais? Donc d'avoir un point de service à l'Université Laval pour faire l'entretien, réparation et avec les ventes de pièces et, là-dessus, un atelier qui est libre-service. Donc de ce besoin très précis-là est née la coopérative et la coopérative s'est élargie en termes de mandat de vouloir être un acteur clé du développement de la ville de Québec pour sensibiliser et devenir une référence en termes de cyclisme utilitaire. Donc, on a beaucoup de la vague de cyclisme en termes d'activités sportives pour être capable de se maintenir en forme, mais ces gens-là défendent la cause très, très intéressante de comment le vélo peut être utilisé dans la mobilité sur un territoire comme la Ville de Québec, comment on peut faire pour augmenter cet outil de transport-là, puis c'est un outil qui est vraiment, là, on voit là, en plein dans une démarche environnementale, une démarche aussi santé de la part des gens. Oui, vous situez, Roue Libre se situe dans la perspective de développement de saines habitudes de vie pour tout le monde. Oui. Pas juste pour leurs membres. Non, effectivement. Donc, dans cette sensibilisation pour utiliser le cyclisme, mais je pense que dans les 5 à 10 dernières années, je pense qu'on voit de plus en plus de gens qui sont les adeptes, même en hiver, de cyclisme utilitaire. Et leur sensibilisation va jusqu'à s'associer avec les événements clés de Québec pour être capable de démontrer que c'est possible de se déplacer en vélo, même pour aller au festival d'été, par exemple, parce que les gens de la Coop-Roulim vont animer, gérer un parc de vélos sécurisé. Donc, vous pouvez aller au festival d'été, laisser votre vélo en sécurité et repartir le soir. Donc, ça permet d'éviter le trafic, de ne pas avoir la problématique de se trouver un stationnement, et ça permet de faire l'exercice tout en se déplaçant au spectacle de musique. Bon, puis pas rester dans un autobus très, très longtemps qui est pris dans un bouchon. Oui, ben ça évite effectivement toute cette dynamique-là. Donc, un exemple vraiment que, comme coopérative, la coopérative est d'abord là pour les membres, donc dans un besoin des membres, mais comme une coopérative a une volonté de s'impliquer dans le milieu, là, il y a toujours des mandats qui sont secondaires là, en termes de développement du milieu. Dans ce cas-là, on parle des saines habitudes de vie. Le deuxième exemple que je vais vous présenter, c'était la coopérative du Mont-Orignal. C'est une nouvelle coopérative. Là, on est en Chaudière-Appalaches, au lac Etchemin. C'est une coopérative qui a décidé de racheter la station de ski du Mont-Orignal. Donc, il faut comprendre que dans cette communauté-là, en dévitalisé, donc qu'on parle de différents facteurs socio-économiques qui font en sorte que les gens quittent le milieu, il y a de moins en moins disponible, il y a de moins en moins de revenus disponibles pour les gens. Okay. Donc, un acteur clé de développement comme le Mont-Orignal était fondamental dans le développement du milieu. OK. Dévitaliser, c'est perte de ressources, perte de possibilités de développement. Oui, exactement. Okay. C'est une notion qui a été instaurée par le gouvernement pour voir comment on peut réussir à... vous comprenez qu'il y a un cercle vicieux qui peut... Relancer. Oui, exactement. Donc, ce qu'on appelle dévitaliser, c'est les communautés qui sont malheureusement dans des cycles de moins grande vitalité. Et là, après ça, c'est de travailler comment on fait pour aller à l'inverse, pour repartir le cycle à l'inverse. Donc, dans ces milieux-là qui sont extrêmement sensibles, c'est important de garder des moteurs économiques et la station de ski est un moteur économique très important. On parle de retombées directes et indirectes de 2 à 3 millions de dollars dans la communauté. Donc, c'est extrêmement important. Mm-hmm. Et ce que les gens ont fait, ce que la communauté a décidé de faire, c'est de se réunir ensemble et de se coopérativiser pour acheter la station de ski au propriétaire actuel. C'est une transaction d'une valeur de 2 millions de dollars et les membres du milieu, là, les gens de la communauté, ont mis plus d'un million de dollars en investissement direct pour la sauvegarde de leur montagne de ski. Là. Donc, une mobilisation extrêmement importante d'une communauté dont les ressources diminuaient. C'est assez parlant. Puis il faut voir derrière ce projet-là, quand on dit que c'est assez parlant, effectivement, à quel point c'est un élément qui est fondamental dans le développement du milieu. Et la coopération, quand on parle de vitalité, occupation de territoire, c'est un outil très important pour garder les activités en place, puis même en développer davantage d'autres services. Là. On en a plusieurs dans nos régions, dans les milieux plus ruraux, où que le service de proximité de première ligne, là, quand on parle de station-service, station d'épicerie et autres lieux de consommation de biens directs, dépanneurs exactement, qui étaient fermés ou en voie d'être fermés ou que les communautés se sont mobilisées. Là. Donc, on peut penser à Rivière-à-Pierre dans Portneuf, à Saint-Pierre-de-Brockton près de Thetford Mines ou même Saint-Pierre-la-Rivière-du-Sud près de Montmagny. Donc, c'est des milieux ou des lieux qui font en sorte que les gens, pour garder une qualité de vie, se garder les entreprises ancrées localement avec des objectifs de service aux gens, ils peuvent se réunir autour de la formule coopérative. Ben merci. On va faire après l'épisode musical un retour sur le sommet oui. Et ce que ça a donné. Oui, on va écouter Nous deux des Blaireaux de Ravel. We'll be right back. C'était la pièce « Nous deux » d'un groupe qui s'appelle Les Blaireaux de Ravel. Et ça, c'est sur une compilation qui s'appelle « Voleurs du dimanche ». Nicole, à vous la parole. Alors, toujours avec Pierre-Luc Bonneville, directeur général de la coopérative de développement régional Québec Chaudière-Appalaches, ou Québec-Appalaches plutôt. Et M. Bonneville a participé au sommet international des coopératives et je trouvais intéressant de l'inviter pour en parler aussi. Alors, on aimerait ça savoir, à votre point de vue, quelles sont les principales retombées pour le mouvement coopératif dans le monde de ce sommet-là, mais aussi au Québec et surtout dans les régions dont vous vous occupez, soit Québec et Appalaches? Bien, la première chose à mentionner, je pense que c'est important à dire que c'était la première fois dans le monde entier que le mouvement coopératif se réunissait à l'intérieur d'un sommet de réflexion, d'études et de discussion. Donc, il y avait souvent des lieux, c'était des assemblées, plus de d'orientation, mais c'était la première fois qu'on a eu la chance, et c'était à Québec, donc doublement la chance, de pouvoir entendre, là, il y a eu 130 conférenciers là, à travers là, une dizaine de thématiques différentes. Il y a eu 8 études inédites sur le monde coopératif qui ont été publiées. Donc, c'était d'abord un lieu de réflexion, de discussion pour cerner quels sont les enjeux de la société. Donc, on parle pas seulement des enjeux du mouvement coopératif, mais les enjeux de la société. Quels sont les défis du mouvement? Et de voir comment le mouvement coopératif peut être un outil de développement en réponse à ces enjeux-là. Et on avait comme trame de fond 2012 qui a été décrété par l'ONU comme l'année internationale du coopératif. Donc, plusieurs se souviennent de l'année internationale des femmes, mais cette année, pour ceux qui l'apprennent, ben, l'ONU a décidé que autant que les femmes à l'époque avaient un impact, un apport à souligner, ben, l'ONU a décidé cette année de nommer 2012 pour démontrer et de faire la place à ce mouvement-là comme étant un acteur de développement puis un acteur clé en termes de lutte à la pauvreté, en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, en termes de aussi de développement des pays en voie de développement. Donc, c'est 2800 participants qui sont présentés en provenance de 91 pays. Là. Comme je mentionnais, la première retombée, à mon point de vue, de ce sommet-là, ça a été de permettre de bien mesurer le mouvement coopératif. Ce qu'on a appris, c'est que si on réunit tout le mouvement coopératif deviendrait la plus grosse démocratie du monde parce que le monde coopératif regroupe plus de 1 milliard de membres, donc à travers toute la planète. Donc, on parle de 1 milliard de membres. Et si on regroupe les 300 plus grosses coopératives, le mouvement coopératif deviendrait la 9e économie mondiale. Donc, vous voyez un peu le poids économique et le poids démocratique. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important et ce poids permet au mouvement coopératif, et là, les études qui ont été publiées, permet de nous montrer que le monde coopératif peut être un régulateur d'économie en termes de situation de crise. Donc, la crise de 2008, on parle souvent en Europe, là, les crises grecques ou les crises espagnoles, portugaises, en termes de développement défis économiques. Mais dans ces pays-là, tout ce qui était autour de l'économie coopérative, ben, il y avait une meilleure stabilité et il y avait une meilleure relance suite à la crise dans ces milieux-là. Ça se reflète ici aussi au Québec, je pense. Hein? Ben, ça se reflète ici au Québec et on est en train d'étudier, là, c'est pour moi personnellement, mais le mouvement coopératif est en train de voir comment le fait d'avoir une économie coopérative forte au Québec aussi a permis à notre société de mieux passer à travers 2008. Là, parce qu'il reste qu'on a réussi, dans cette crise de 2008, à avoir vraiment là, une approche qui est un peu différente de d'autres pays et cette économie coopérative-là serait une des pistes de réponse pour... qui permettrait vraiment de stabiliser puis de réguler notre monde économique. Bon, alors, si je comprends bien, ça vous a permis de vous connaître, mais en même temps de voir les forces du mouvement coopératif et les impacts super importants pour la stabilité. Alors, est-ce que vous, au terme de cet événement-là, vous avez pu développer des liens avec des partenaires pour favoriser le développement de projets dans différents secteurs d'activité? Et pouvez-vous aborder, par exemple, certaines choses que la CDR voudrait sur lesquels la CDR voudrait travailler? Oui, c'est sûr que dans ce sommet international-là, on est en des grandes discussions en termes de mouvements coopératifs, mais la première réflexion, puis le premier constat qu'on a fait, c'est que les enjeux mondiaux se reflètent et se répercutent sensiblement de la même façon au niveau local. Donc, dans le monde coopératif, on parle d'un enjeu de connaissance et de reconnaissance. Donc, le mouvement coopératif, comme j'ai mentionné, est peu reconnu à l'échelle mondiale dans ses capacités, son potentiel. Au niveau local aussi, on a les mêmes défis. Les gens sont d'abord coopérateurs, des fois parce qu'ils n'ont pas le choix ou plus par habitude, mais pas nécessairement par conviction, là, parce que le fait de consommer coopératif, c'est un choix conscient de travailler dans une économie qui est alternative à l'économie qui est celle actuellement. Et le deuxième aussi enjeu qu'on voit puis qui nous permet d'avoir de développer des pistes d'action, c'est que cette économie différente-là demande des mesures puis demande des programmes qui sont adaptés, là. Donc, on change notre façon de travailler. Donc, si on veut soutenir comme on soutient l'économie traditionnelle, il faut réussir à développer des outils qui sont adaptés à cette forme-là en termes de croissance, en termes de capitalisation des entreprises. Donc, abandonner le mur à mur. Oui, effectivement, abandonner le mur à mur qui permettrait après ça là, de réussir à, comme gouvernement ou comme mesure politique, de faire en sorte que cette économie-là différente soit facilitée en termes de développement. Et le troisième élément qui permet vraiment de voir l'égalité entre le mondial puis le local, c'est il y a une déclaration qui a été à la fin du sommet qui a été signé, qui a été adopté par les participants. Et la déclaration reprend là, certaines grandes lignes, comme on parle de la contribution du monde coopératif au développement durable, on parle que le modèle coopératif est mutualiste, on parle de diversification, de performance puis de polyvalence en termes de richesse collective. On parle aussi que le monde coopératif est capable d'évoluer, de s'adapter à l'environnement et aux besoins des gens. On parle des défis de capitalisation et de gouvernance, comme j'ai parler. Comme vous voyez, un peu tous les mots que je vous dis, qu'on les dise à la grandeur de l'échelle de la planète ou qu'on les dise localement, chez nous, à Québec, ici, c'est un peu les mêmes enjeux là, qu'il faut réussir à faire sa place et à travailler davantage selon nos valeurs et nos principes. Donc, les liens que vous avez développés ou que vous continuez à maintenir, vous allez pouvoir vous en servir pour vous aider à trouver des pistes aussi que vous pourriez adapter, qui sont trouvées ailleurs et faire finalement un échange d'informations plus fructueux. Est-ce que je vous comprends bien? Oui, exactement. Il y a des liens qui ont été créés, des modèles coopératifs qui ressemblent à nos modèles et même le modèle de coopérative de développement régional, donc un outil spécialisé en démarrage et soutien de coopérative. Il y a des gens il y a une délégation du Vietnam qui s'en vient au courant de la semaine prochaine pour venir voir comment notre modèle fonctionne et voir comment eux autres peuvent reproduire là, la même chose dans leur pays. Là. Donc, c'est des éléments qui découlent du sommet en termes de... c'est sûr que plus qu'on se parle, plus qu'on se connaît, puis plus qu'on peut travailler ensemble. Donc, là-dessus, on était directement dans cet horizon-là. OK. Vous êtes dans un échange d'informations et éventuellement, le pas subséquent, c'est une collaboration sur des projets qui auront à se développer, mais ce dont vous parliez tantôt, c'est de s'inscrire, le mouvement coopératif, dans toutes les pistes d'action, de politique dont il est question au niveau québécois, soit développement durable, maintien des activités, diversification économique, etc., pour faire que le Québec soit aussi occupé pleinement dans toutes ces régions. Oui, effectivement, toute la dynamique de l'occupation, la vitalité des territoires, le développement durable, comme vous avez nommé, la formule coopérative a cette façon de travailler différemment-là qu'elle a réussi à répondre à plusieurs enjeux. Je sais que nous, comme monde coopératif, on n'a pas la prétention de croire qu'on a la réponse à toutes les solutions de la problématique qu'on a, mais ce qu'on est convaincu, ce qu'on est sûr, c'est qu'on fait partie de la solution et qu'on veut travailler avec tous les autres mouvements, les autres types d'entreprises qui partagent un peu les mêmes préoccupations que nous, de bâtir un monde meilleur et de réussir à faire en sorte que l'économie soit d'abord et avant tout au service des gens et des personnes dans le développement des bien-être des collectivités qu'au service d'un rendement et du capital. Donc, aider à modifier la perspective sur les entreprises pour favoriser, comme vous disiez dans un document dont on a déjà parlé, une biodiversité des entreprises. Oui, une biodiversité entrepreneuriale. Je pense que dans le monde écologique, on a vu que les milieux ont tout à gagner d'avoir cette biodiversité-là. On croit que dans le monde entrepreneurial et dans le monde économique, il y a cette biodiversité qui doit être importante. Et surtout, je pense que une des grandes personnes qui est venue nous voir au sommet, Madame Madeleine Albright, l'ex-secrétaire d'État des États-Unis sous Bill Clinton, est vraiment venue nous dire à quel point elle croyait au modèle coopératif dans son rôle de plus en plus concret, là, comme dans la lutte contre la faim et la pauvreté, dans l'égalité des sexes, dans de réussir à rendre les populations autonomes, et ça dans le respect de différentes valeurs. Puis surtout, ce qu'elle rajoutait en conclusion, elle disait elle croit que les gouvernements, les grandes entreprises et les institutions mondiales vont être de moins en moins capables de jouer ce rôle-là, et le modèle coopératif va devoir augmenter et diversifier sa contribution dans ces enjeux-là mondiaux. C'est un défi important auquel le mouvement coopératif va avoir à faire face, mais en même temps, ce serait comme, si je vous ai bien compris, essayer d'influer pour humaniser l'économie. Oui, exactement. Puis nous, localement, ici à la CDR, on va travailler avec tous les promoteurs de coopératives qui vont vouloir faire le petit bout de chemin en développant leur coop de travail, leur coop de consommateurs, pour réussir à faire que globalement, on a un impact, mais qu'il faut agir d'abord localement. OK. Et donc, que chacun fasse ce qui est convenu de parler de juste part. Oui, exactement. Alors, ben, merci beaucoup, M. Bonneville. Ça a été extrêmement intéressant. Alors, merci beaucoup. Bonne chance dans les défis importants que le mouvement coopératif a à affronter. Merci. Oui, merci Nicole. Effectivement, c'était fort intéressant comme entrevue. Je pense que les gens ont appris beaucoup. On va écouter Maman Liberté d'un groupe qui s'appelle Fenouil et les Fines Herbes. MC Boulette dans la place. C'était un pigeon dans une souricière. Un gosse sans horizon qui faisait le fier. Dans le hall 124 bis, rue de la Galère. À fumer des spliffs, on attrape la bavure policière. Un jour qu'il courait pris de panique, voulant échapper aux flics, il avait pris en flag, il s'est vautré comme une merde dans une flaque. Il n'entendait pas, puis clic-clac, des bracelets se referment sur ses poignets. Ils l'ont incarcéré 48 heures plus tard dans un box de béton blanc. En slip au mitard, il est beaucoup moins fringant. Les flics le cuisinent, ils vont le cuire. La cuisson du beurre restant à définir. Au beurre-marie le beurre. Bah non, elle est tout fait, ça laisse pas de bleu. Pour la recette du rebeu, elle est tout fait, façon flic assermenté. Prenez des menottes, un radiateur, un bon suspect. Puis des coups de tonfa dans le vide pour qu'il crache ses complices. Alors c'est qui des potes au 124 bis? C'est dur de s'appeler Saïd dans un commissariat de police. Il pense à sa mère, c'est sûr Fatma elle est pas fière. Elle a pas élevé lui et ses cinq frères, seul depuis la mort du père, pour entendre dire un putain de commissaire. Écoutez madame, déjà qu'il est arabe, si en plus de bénaves on le chope en flag avec trois sables, on le tabasse un peu, c'est normal. Si on peut plus rigoler, non mais sans blague. Dans la salle n'est pas perdu, l'avocat commis de mes fesses résume. Flagrant délit, trois savonnettes sur lui. Si bas, c'était à Mama Liberté, Fenouiller les Fines Herbes. Il me reste à vous mentionner quelques activités à surveiller cette semaine. D'abord, le 12 novembre, il y a True Story, lundi soir, mais c'est True Story, vous savez, c'est ce film de Richard Desjardins et Robert Mondéry qui finalement reprend un peu là, la veine de, si on peut se permettre, la veine de pamphlétaire de l'erreur boréale pour exposer avec clarté et à coup d'image choc vraiment là, et d'archivreur aussi, d'entretien. Enfin, le dossier minier canadien. On en avait parlé avec Alain Deneau, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Ça va être projeté donc le 12 novembre à 18h30 à la bibliothèque Gabriel Roy, mais aussi le 13, le 14 et le 15 novembre à 14h, sauf le 14 novembre à 18h30, toujours à la bibliothèque Gabriel Roy. Mais celle du 12 novembre, c'est une projection discussion. Donc, si vous avez envie de non seulement de voir, mais d'en parler, ça vaut la peine. Il y a aussi le Congo conflit oublié, dont je vous ai parlé tantôt. Ça, c'est à l'Université Laval, le 13 novembre à 19h, au pavillon Charles de Coninck. Je vous invite fortement à aller voir ce documentaire. Sinon, parle pas de ça, le 14 novembre à 19h30, c'est le théâtre sur la santé mentale. Aussi, le 15 novembre,